Chapitre 12. Danger de la richesse. Il s'agissait d'une vente de bois du roi. La belle futaie qui couvrait la rampe de la fosse aux loups et le plateau voisin était condamnée. La lutte était entre les traitants et le roi. Le roi avait toute une armée pour défendre ses intérêts. Belle troupe, on en conviendra. Commandée par le petit de l'intendance, le gruyer juré et le prévôt garde. Je ne pourrais pas dire au juste le nombre des noirs soldats qui obéissaient à cet état-major, sans compter les quatre gendarmes, dernier miroir de la chevalerie. Mais il y avait là, certes, assez de plumitifs pour authentiquer la vente de 15 forêts. La France est le paradis des écritoires. Autour de la bataille, comme toujours, les pauvres diables s'ameutaient pour voir et pour gaspiller. Il tombe toujours quelques petites choses de la poche des gens qui se démènent. Et moi ? Eh bien, moi, j'étais le plus pauvre de tous ces pauvres diables. Mais Vivette m'avait donné de la corde de pendu. Souriez si vous voulez. Quelques mois plus tard, dans ce beau Paris où le roi et les traitants se battaient d'une bien autre manière, il m'arriva de ne plus croire à rien, même au bon Dieu. Mais il faut à l'âme immortelle un bout de foi. Je ne cessais jamais de croire un peu à ma corde, tressée avec les doux cheveux de Vivette. Ce fut ma belle, ce fut ma chère Amazone qui m'expliqua le mystère des 12 apôtres en m'apportant le boursicot de cuir contenant 200 louis d'or bien comptés et tout neufs. Voici quel fut notre entretien pendant que le tambour de la ville de Rennes battait et qu'on achevait autour de la table de sapin les préparatifs du combat au plus offrant et dernier enchérisseur. Elle avait marché vers moi avec toute la gravité d'un ambassadeur, mais dès qu'elle eut dépassé la ligne des spectateurs, je revis sur ses lèvres le sourire de sa gaieté moqueuse. « Est-ce qu'elle est plus jolie que moi ?» me dit-elle en m'abordant. Je savais parfaitement de qui elle parlait, et pourtant je demandais. « Qui donc ? Celle à qui je ressemble ?» Je dus rougir, car elle me montra, en un rire brillant, toute la rangée de perles qui meublait sa bouche. « Il n'y a pas assez d'argent là-dedans, » reprit-elle en me tendant le sac de cuir, « pour fléchir un père barbare, mais c'est un commencement. Vous êtes très beau, je vous l'ai déjà dit. Je viens de voir que vous êtes très brave. Si vous n'étiez pas très intelligent, vos yeux seraient d'effrontés menteurs. Avec tout cela et 200 louis pour entamer la partie, vous êtes sûr de réussir. Et encore, je ne compte pas ce nom qui vaut à lui seul une poignée d'atouts, le chevalier Gaston de Kéramour. On se commanderait un nom chez les marchands qu'on ne l'aurait pas plus joli. Mais prenez donc, chevalier de mon cœur. » J'hésitais en vérité à recevoir la sacoche. J'avais honte. Mon Amazone souriait toujours. « Si le roi vous donnait sa bourse, dit-elle, accepteriez-vous ? Certes. Eh bien, aussi vrai que je vaux toutes les vraies vicomtesses de la terre et foi de Catiche, c'est le roi qui vous donne cet argent-là. » Elle poursuivit en mettant elle-même le petit sac dans la poche de ma casaque. « Nous n'avons pas beaucoup de temps à causer, mais vous avez déjà compris à moitié. Le roi a fait publier des bans qui annoncent la vente de ses baliveaux afin de s'assurer de bonnes et libres enchères. Pauvre roi, les marchands de bois du pays, qui ont plus d'esprit que lui, se sont associés pour peser sur les prix. On appelle les conjurés des apôtres et l'on nomme Judas tout enchérisseur qui ne fait point partie du complot. » Par ce moyen, Sa Majesté perd un peu plus des trois quarts de son revenu qui va, pour une très petite part, au Judas, quand on ne trouve pas l'opportunité de les assommer. Et pour une grosse portion à Monsieur l'intendant de la province, au prévôt garde, au gruyer juré, au fretin des commis, inspecteur, greffier, garde, tambour. Comment ? M'écriai-je. Ce ne sont donc pas les apôtres qui volent le roi ? Si fait. Ils tirent les marrons du feu et on leur laisse un bénéfice. Aujourd'hui, sans le savoir et sans le vouloir, le roi va répandre pour 30 ou 40 000 écus de largesse sur lesquels les déguenillés de la forêt recevront 5 ou 6 pistoles en gros sous. « À tous que de droit !» criait en ce moment le petit de l'intendance après le troisième roulement. « Il est fait savoir qu'une enchère publique et loyale est ouverte sur les 7 ventes de la couronne ci-après dénommée, pour en être délivré l'aménagement au plus offrant, selon les charges de juste exploitation et conditions énumérées au cahier forestier, savoir, primo, la futaie de pleine venue, dite la grand-vente de préveneurs, chênes, châtaigniers, hêtres, bouleaux et toutes essences, à 3000 pistoles et les 6 deniers pour livre. À 3000 pistoles et les 6 deniers, répéta le gruyer juré, et le tambour battit. Monsieur de Saint-Pierre fit un pas vers la table et dit « 3001 ». « Si je criais 4000, murmurai-je, auriez-vous de quoi payer ?»« Non. » »« Alors pliez bagage avec ceux que vous avez de poisson pris. La comédie ne va pas durer longtemps, et il faut que vous ayez de l'avance si vous voulez sortir de la forêt sans encombre. Toutes les perruques emmêlées qui sont là vous ont regardé avec des yeux de loup quand j'ai dit que vous aviez 100 000 écus de cédules dans votre valise. » Mettez votre bidet au grand trot et regardez devant vous tout le long de la sente. Pendant qu'elle parlait, j'avais sauté en selle. « À 3001 pistoles !» criait pour la 6e fois monsieur le gruyer. « Allumez !» ordonna le commis d'intendance. « Personne ne dit mot ?» La vicomtesse Catiche me serra furtivement la main. « Bon voyage !» me dit-elle. « J'ai idée que nous nous reverrons. » « Dieu le veuille, répondis-je, merci et bien du bonheur. » Je descendis jusqu'au bord de l'étang pour prendre du champ, et un coup de houssine allongé dans les oreilles de Taupin lui fit franchir la rampe à honneur. Le bruit de son galop fit retourner toutes les têtes. Il y en avait qui n'étaient pas bonnes parmi ces têtes-là. Au moment où j'entrais sous bois, j'entendis la voix aigre du petit de l'intendance qui criait « Adjugé à 3001 pistoles !» Il était environ 1 heure de l'après-midi. L'orage qui menaçait toujours n'avait pas encore éclaté. Le couvert était si sombre qu'on eût dit le commencement de la nuit. Dans ce sentier étroit, tortueux et inégal, où parfois je ne voyais pas à plus de 15 toises devant moi, je comprenais très bien que je pouvais être attaqué à mon désavantage. Ces sauvages figures de Saboutiasse et de Charbouniasse que je laissais derrière moi suivaient ma pensée. Les bras cougnasses de la forêt de Rennes sont de rudes coquins quand ils s'y mettent. Dans ces pays, rien ne reste de l'âge d'or. L'impôt écrase le pauvre et il faut boire. J'éprouvais un certain plaisir en cheminant sous bois à sentir le poids de mes 200 louis dans ma poche. Je ne peux pas nier cela. Mais je n'étais pas sans avoir quelques vagues remords et je me souviens que je répétais plus de 20 fois en moi-même. Aussitôt que j'aurais fait fortune, je rendrais le bien du roi. C'était assurément d'un bon cœur. Je pensais aussi et même beaucoup à ma nouvelle amie, la vicomtesse Catiche. Comme je n'avais jamais perdu de vue le clocher de ma paroisse de Guidelle, cette charmante créature était pour moi un mystère insondable. Mon hôtelier Pied-de-Vache se rencontre partout, même en Basse-Bretagne. Mais il faut approcher des grandes villes pour croiser en chemin Saint-Pierre et sa moitié. Dans la sincérité de mon âme, je la comparais à Vivette. Pour faire entre elles la différence, je n'avais rien de ce qu'il faut. Et après tout, vous verrez que j'aurais pu tomber plus mal. Ma vicomtesse était une belle et bonne fille, à part certains petits défauts assez nombreux. Qu'allais-je faire cependant de mon boursicot? Je me demandais cela en passant le gai marécageux de la petite rivière de Vanvres, où les premières gouttes de la pluie d'orage faisaient des ronds dans l'eau. Que de choses on peut entreprendre avec 2400 livres! Calotte à papa! Il y avait peut-être là de quoi contenter la soif de mon oncle Le Bihan. Un instant, j'eus l'idée de retourner en Basse-Bretagne avec mon trésor. Était-ce la pluie que j'entendais des deux côtés du chemin dans les taillis? Il y avait de la pluie, mais encore autre chose. Quelques gibiers, peut-être. La grosse bête ne mouve guère aux environs du midi. Et pourtant, on mouvait. J'avais beau regarder de tous mes yeux, je ne voyais rien. Le bruit semblait courir avec moi. Il allait même plus vite que moi. Au bout de quelques minutes, il m'avait complètement dépassé. Je me dis, ce sont des chiens qui quêtent. Mais je ne pouvais m'empêcher de songer à ces prétendus 100 000 écus que l'imagination de mon Amazone avait fourrés dans ma valise. Il y avait là de quoi tenter le flair de bien des chiens à deux pattes. Le ciel, qui était plus noir que de l'encre sur ma tête, s'ouvrit tout à coup en une large déchirure, zigzaguée comme un paraphe. Je raconte les choses comme je les vis. Les CP me parurent un instant tout en feu, et parmi cet incendie, dont les flammes étaient livides, il me sembla que des formes humaines couraient à droite et à gauche en avant de moi. J'en aperçus au moins une demi-douzaine, courbées sous la pluie, mais tenant fixés sur moi leurs yeux rouges comme la prunelle des loups. Ce fut l'affaire d'une seconde, quand le tonnerre éclata avec un assourdissant fracas, l'ombre m'enveloppait de nouveau.